On va parler avec Simon Paquette de Dolbeau-Mistassini. Simon Paquette qui a remporté une médaille d'or, deux médailles d'or, c'est-à-dire aux Jeux du Canada la semaine passée, une en solo et l'autre en équipe. On lui parle. Salut Simon. Allô. Simon, vraiment, c'était une mission vraiment accomplie, cette médaille d'or là. Jusqu'à quel point que ça rend fier vraiment de remporter une médaille aux Jeux du Canada? C'est sûr que je suis vraiment content parce que c'est une expérience, premièrement, de fou. Là. C'est quelque chose que tu fais une fois dans ta vie. Tu peux pas le refaire. C'est aux 4 ans, je pense, comme les Jeux Olympiques. Ouais. De vivre l'expérience, premièrement, c'est déjà une chose exceptionnelle. Puis de faire des résultats là-bas, c'est fun aussi. Là. OK. Est-ce que c'est la plus grosse compétition que tu avais accomplie jusqu'à maintenant? Que tu avais participé là, en fait de prestige, en fait de tout? Non. Non? Les compétitions internationales, c'était plus fort que ça, là. OK, OK. Mais là, finalement, si on parlait, est-ce que ça a été vraiment difficile de remporter cette médaille d'or-là ou ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble? Oui, ça a été quand même assez difficile pour moi. Là. J'ai fait une finale de 8 minutes. OK. Puis tous mes autres combats, j'ai pogné quand même pas mal, tout est meilleur. Fait que c'est des gros combats quand même. Là, puis... Donc, tu l'as pas eu facile, tu n'avais pas ce qu'on appelle non. Une vague quand même facile, là, parce que des fois, il y a des vagues qui sont plus faciles que d'autres, donc certainement que tu ne l'avais pas, c'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. OK. Dis-moi, parle-moi de cette médaille d'or également en équipe. Est-ce qu'elle était attendue, cette médaille d'or-là? Un peu. Okay. C'est vrai qu'on avait des chances quand même pas mal, là. L'équipe est vraiment forte. C'est dans les gars, là... Individuel, tout le monde a gagné une médaille, sauf une personne, je pense. Comment ça marche en équipe? En équipe, c'est un sort de 5 catégories de poids. OK. Les 5 saluts, le plus petit ou plus grand, puis on se bat avec le même poids de l'autre province, en fond. OK. Est-ce que c'est... Parce que ça pas... Ouais. 3 de 5. Le premier que 3 est grand. Vous aviez gagné en combien? Vous avez-tu gagné en 4 ou en 5 parties ou en 3 parties? Premier, on a gagné 5-0, je pense. Deuxième, 4-1, genre. OK. Puis l'autre, 3-2. 3-2, donc c'était en 3 parties, donc ça a quand même bien été, là. C'était concluant. Là, il se passe quoi avec toi, là? Tu t'en vas en forêt, on fait le podcast de bonne heure, mais après ça, on se prépare pour l'Allemagne, j'imagine? Ouais. OK. Comment tu vois ça, la participation au championnat du monde? La force pour la participation pour le championnat du monde, c'est la... Je fais la qualification pour ça. OK, OK. Puis comment tu vois ça? T'estimes-tu avoir des bonnes chances de passer? J'ai aucune idée. OK, OK. Aucune idée. OK. Tu peux pogner le champion au premier tour, puis ça se finit là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est à la fin mars, c'est ça? Oui. OK. Ben Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est sûr qu'on se parle très tôt de ce matin. Félicitations pour ta médaille d'or aux Jeux du Canada. Pour le plaisir de se parler. Merci beaucoup. Simon Paquette de Dolbeau-Mistassini.